Je veux pas que tu me prennes la main. Je veux pas que tu me prennes la main. Je veux pas ta main. Pourtant elle a du groove, elle aime le beat. Pourtant elle a du groove, elle aime le beat. J'ai arrêté d'être romantique. J'ai arrêté d'être romantique. Quand tu m'as défoncé le cœur. Et depuis des milliards d'heures je. Et depuis des milliards d'heures je. Je rêve plus, je pleure. Je traîne une serpillière sans couleur. Je traîne une serpillière sans couleur. J'efface les ondes de pâleur. J'efface les ondes de pâleur. Ces ondes me font honte. Je t'aime et tu es sans conteste. Aussi moche que ma tristesse. Oh, oh. Depuis toi, je suis sous la vague. Je suis dans le vague, je divague. Je me retrouve sur des corps inconnus. Je me retrouve sur des corps inconnus. Mais plus rien, ça paraît, je fais mort. Mais plus rien, ça paraît, je fais mort. J'ai bien appris à faire le mort. Je t'aime et tu es. Sans conteste, aussi moche que ma tristesse. Oh, oh. Tu m'as pendu au coin de tes lèvres. Tu m'as pendu au coin de tes lèvres. Du souffle, je me balance. Je guette les murmures, mais je m'en balance. Je guette les murmures, mais je m'en balance. T'es moche, après tout, t'es moche. T'es moche, après tout, t'es moche. T'es moche, comme ma tristesse.